Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire « Mourir pour la paix, s'immoler pour protester contre la guerre au Vietnam ». Most everyone knows he went to the Pentagon and poured kerosene on himself. Comme on le sait, il est allé au Pentagone et il s'est aspergé de kérosène, comme l'avaient fait auparavant quelques moines bouddhistes au sud du Vietnam. The Buddhist monks in South Vietnam had used, I think, a few times before. And around supper time. Vers l'heure du souper, j'ai commencé à recevoir des appels me disant ce qui s'était passé. Je ne savais pas s'il était toujours vivant. Ce n'est qu'à son arrivée à l'hôpital qu'Anne Morrison découvre que son mari est mort en s'immolant devant le Pentagone à Washington pour protester contre la guerre au Vietnam. Au milieu de tout ce grand mouvement de manifestation contre la guerre au Vietnam dans les années 60, quelques Américains décideront de s'immoler pour afficher leur opposition à cette guerre. Le 16 mars 1965, Alice Hertz va s'immoler au centre-ville de Détroit. Quelques mois plus tard, le 2 novembre 1965, Norman Morrison fait de même à Washington. Deux autres citoyens américains les imiteront par la suite. Comment expliquer leur geste? Quel impact aura eu leur mort sur le cours des événements? Well, come on, all of you big strong men. Uncle Sam needs your help again. Got himself in a terrible jam way down yonder in Vietnam. Put down your books and pick up a gun. We're gonna have a whole lot of fun. And it's one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's five, six, seven. Open up the pearly gates. Well, there ain't no time to wonder why. We're all gonna die. Now come on. Je pense toujours à l'horreur que nous avons tous de penser qu'un seul homme peut se brûler à Washington ou aux Nations Unies à New York. Et nous sommes scandalisés, nous sommes horrifiés, mais nous ne sommes pas scandalisés ni horrifiés quand nous brûlons nous-mêmes des milliers d'hommes, de femmes, d'enfants au Vietnam. Nous avons perdu la sensibilité qu'un homme comme Norman Morrison avait toujours. Cette fois-ci, les Américains ont bien écouté le message que Norman voulait parler. Le pays entier a écouté, et non seulement écouté, mais je crois compris, un peu au moins, pourquoi il croyez devoir le faire. And it's one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. Country Joe McDonald à Woodstock en 1969. Vous entendiez sur sa musique Samuel Legg, un ami de Norman Morrison à l'émission Présent du 15 novembre 1965, pour nous raconter cette incroyable histoire de ces deux Américains, Alice Hertz et Norman Morrison, qui vont s'immoler pour protester contre la guerre au Vietnam. Je reçois Carl Bouchard, habitué de l'émission, professeur d'histoire à l'Université de Montréal. Carl Bouchard, bonjour. Bonjour. C'est difficile d'imaginer un tel excès, j'allais dire, un geste aussi fort, s'immoler, mourir pour la paix, s'immoler pour protester contre la guerre au Vietnam. Comment doit-on interpréter, comment peut-on interpréter ce geste, Carl Bouchard? C'est clair que c'est un geste, c'est le geste ultime, hein, c'est un sacrifice qui est extrêmement, qui est fort, avec le feu en plus, qui est aussi un objet de sacrifice encore plus symbolique et encore plus fort. L'interpréter, c'est interpréter un symbole qui commence à frapper les États-Unis, c'est celui d'une crise morale entre un pays qui est en guerre, qui a des intérêts géopolitiques, et puis les valeurs aussi qui fondent ce pays, et ce décalage qui commence à se créer aux États-Unis dans le contexte de l'intervention au Vietnam. Et Samuel Legg le souligne assez bien, la souligne bien cette contradiction, cette crise morale, en disant « ça nous choque ». Parce qu'un Américain s'immole devant le Pentagone ou les Nations Unies, on est tout à coup complètement horrifié, alors qu'on brûlent, ouais. des Vietnamiens à la pelletée, passez-moi l'expression. Ouais. Et c'est ce qui constitue aussi une des motivations de ces gens qui posent ce geste-là, c'est de dire ben, il faut stopper l'horreur et je vais donner ma vie pour rappeler cet événement-là et rappeler l'erreur dans laquelle on est maintenant tombé, en fait, le gouffre dans lequel on s'enfonce peu à peu. Bon, ce gouffre, c'est cette guerre du Vietnam à laquelle les Américains vont participer. Sans refaire toute l'histoire de la guerre, quand même, rappelez-nous, c'est important de le faire, de quelle manière les États-Unis se retrouvent dans ce conflit au Vietnam. Oui, bien, très rapidement, en fait, il faut simplement rappeler que la France possédait le Vietnam. En fait, le Vietnam est une partie de ce qu'on appelait l'Indochine. Et après la Deuxième Guerre mondiale, la France, qui a perdu momentanément la guerre pendant 4 ans, a voulu reprendre le contrôle de cet espace qui était occupé par les Japonais. Mais pendant cette occupation, ou au terme de cette occupation, on a, et Ho Chi Minh notamment en tête, le grand leader nationaliste vietnamien, a déclaré l'indépendance. Et les Français sont entrés en période de guerre qui a duré jusqu'en 1954, en fait, c'est la fameuse guerre d'Indochine. Mais ce qu'on doit surtout garder en tête, c'est que plus la guerre avance, plus les Américains, qui sont dans un contexte de guerre froide, financent l'intervention française. Ouais. Et à la fin de la guerre, c'est près de 80 % des dépenses militaires françaises qui sont financées par les États-Unis. Et au départ des Français, en 1954, lorsque le pays acquiert son indépendance, on sépare le pays en deux et ce sont les Américains qui, peu à peu, vont commencer à intervenir pour empêcher la propagation du communisme. Le pays est séparé au nord dans un État communiste et au sud un État démocratique qui est contrôlé par les puissances occidentales. Et donc, c'est le début, en fait, de cette intervention, de cette guerre. On a un Vietnam indépendant au sud, mais qui sera donc financé et aidé par les Américains pour combattre le communisme. Et on est, ben voilà, on est encore, il faut le rappeler toujours, dans ce grand contexte de guerre froide. Absolument. On ne peut pas, les États-Unis combattent partout où ils le peuvent l'émergence du communisme. Il faut comprendre aussi qu'on est vraiment, c'est ça, cette peur de la contamination. La Chine est devenue communiste en 49. On a peur que le Vietnam soit une des premières piste vers un embrasement du sud-est asiatique. Cet engagement américain au Vietnam, ça va donner, on entendait cette chanson à Woodstock, mais les années 60, aux États-Unis, puis partout en Occident, en fait, Carl Bouchard, il y aura des grands mouvements dans cette Amérique des années 60 et en Occident, grands mouvements contre la guerre du Vietnam. Comment ça s'organise, ce mouvement d'opposition au Vietnam, et qu'est-ce qui caractérise ce mouvement-là? Oui, bien, ce qui frappe déjà, c'est que c'est une nouvelle génération de militants. Évidemment, les anciens militants pour la paix restent là, mais on a cette fameuse génération du baby-boom, les jeunes qui sont on est après la Deuxième Guerre mondiale, qui arrive à l'âge adulte dans les années 60. Alors, ces gens-là ont une conscience politique qui s'articule autour de théories politiques, notamment qui viennent de l'entre-deux-guerres. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont aussi une conscience un peu plus globale, c'est-à-dire que les manifestations contre le Vietnam, elles ne sont pas liées simplement aux Américains, elles sont plus généralisées. Et ce sont des gens qui associent aussi la protestation, en fait la démonstration contre le Vietnam, à une nouvelle proposition sociale aussi. C'est une révolution sexuelle, c'est les droits civiques aux États-Unis, c'est l'émancipation de la femme. Donc, c'est les premières préoccupations écologiques. Donc, la paix, elle s'intègre dans un programme beaucoup plus vaste, en fait, et déborde là, du simple cadre de la guerre et de la paix. Ce nouveau monde que rêve, dont rêvent ces jeunes, la guerre ne fait pas partie de ce nouveau monde-là. C'est un petit peu ça, over peace and love. Exactement, on connaît justement ce rêve des années 60. Ouais. Tout à fait. Les immolations dans ce grand contexte-là, comment ça arrive? Dans quel contexte ça apparaît aux États-Unis, ce phénomène d'immolation pour protester contre la guerre au Vietnam? Ouais. Ben, il faut comprendre qu'il y a déjà des protestations qui commencent aux États-Unis. La véritable intervention américaine, en fait, ou la prise de position très claire des États-Unis commence en 1965. Donc, avant 65, il y a ce qu'on appelle des conseillers militaires, mais ils sont en nombre, ils sont plusieurs milliers, presque 15 000 maintenant en 1964-65 au Vietnam. Et ces conseillers militaires, donc, c'est un premier geste d'intervention. Et à partir de 64, il commence à y avoir aux États-Unis des protestations. Elles sont assez timides. Ça commence dans les campus aux États-Unis, justement auprès de jeunes étudiants assez formés au niveau intellectuel. Et quelques milliers de personnes commencent à se rencontrer. Les premiers gestes comme ça se posent. Mais c'est à partir de 65 que les manifestations deviennent plus importantes. Décembre 64 et puis printemps 65, on a plusieurs milliers de personnes qui se rencontrent à New York, 25 000 à Washington au printemps 65. Et là, le mouvement commence à enfler un peu. Ouais. Et on sent que l'anti-Vietnam se radicalise peu à peu. Et il y a un appétit, en fait, parce que tous les jours, d'une part, tous les jours, on voit, à partir du moment où les États-Unis sont engagés dans le conflit, on voit des images à la télé. Et tous les jours, enfin, ces manifestations sont aussi très présentes dans les médias américains, ces manifestations. Et donc, on cherche à faire un coup d'État. C'est un peu ça, là. Ouais. L'idée de s'immoler, ça vient un peu de ça. Exactement. Ce qu'il faut aussi, ça fait partie de ce contexte des années 60. La guerre du Vietnam, on le sait tous, c'est une guerre d'images. Tout le monde a vu des images de la guerre du Vietnam. On a tous vu des images des manifestations dans les années 60. Et le mouvement pacifiste, le mouvement d'opposition à la guerre, prend aussi à bras-le-corps cette nouvelle problématique qu'on doit exister médiatiquement. Et donc, les manifestations, pour qu'elles soient le lendemain traduites dans les journaux et dans les journaux télévisés et sur la presse, eh bien, ils doivent être de plus en plus spectaculaires. Mmh. L'immolation participe aussi de ce contexte-là. C'est une radicalité qui est liée aussi à ce qu'on a appelé justement dans les années 60 la société du spectacle. Cette société qui a besoin d'avoir justement des images et d'être frappée quotidiennement. Et puis, il y a un événement, un mouvement qui va se déployer au Vietnam à partir de 1963 et qui va justement trouver écho aux États-Unis, qui va donner éventuellement à Alice Hertz et Norman Morrison cette idée d'eux-mêmes s'immoler pour protester contre la guerre au Vietnam. Ce mouvement-là, c'est le mouvement des moines bouddhistes au Vietnam, absolument, donc qui, dès 1963, vont eux-mêmes s'immoler pour protester contre le contexte politique, contre la guerre en cours au Vietnam. Je propose d'écouter d'abord le moine bouddhiste Valpola Raoula, qui tente de justifier l'immolation de moines bouddhistes pendant cette guerre du Vietnam, au micro de Jean Rouilly, à l'émission Présent en 1966. Et tout de suite après, vous allez entendre, dans une entrevue qu'elle donne en septembre 1963, au moment où se déroulent ces immolations au Vietnam, une entrevue avec Mme Nhu, qu'on considérait à l'époque comme la première dame de la République du Vietnam. Il ne faut pas utiliser le mot « suicide » dans ce contexte. C'est une offrande de sa vie pour le bien-être des autres. Par exemple, Jésus a donné sa vie pour les autres. C'est comme ça qu'on donne sa vie pour le bien-être des autres. Mais dans le cas vietnamien, est-ce un acte individuel, spontané, ou un acte dicté par la hiérarchie bouddhiste? Non, c'est un acte volontaire individuel, mais approuvé par la communauté. Ici, au Vietnam, encore, il arrive souvent que les gens se suicident se suicident spectaculairement dans les maisons ou devant les portes des gens qu'ils veulent maudire. Eh bien, moi je trouve cette coutume barbare, stupide. Pendant la crise bouddhiste, eh bien, les rebelles ont exploité à fond cette coutume. Je trouve cela monstrueux. Pendant toute la crise, ils ne cessaient de glorifier ces crimes. Eh bien, devant cela, qu'est-ce que je devais faire? Je ne pouvais pas rester comme ça, inciter les gens à se suicider aussi stupidement. Quand on exploite la mort pour créer de mauvais exemples, il est de mon devoir de citoyenne d'essayer d'empêcher cela d'une manière ou d'une autre. Alors, ça nous en dit déjà pas mal sur l'impact qu'auront ces immolations au Vietnam. Il faut situer ça dans son contexte. Cette Madame Nhu qu'on entend, qui est donc considérée comme la première dame de la République du Vietnam, ce qu'on entend de sa bouche, cette condamnation, au fond, c'est aussi une manière de justifier une remarque, une déclaration qu'elle aura faite avant et qui vraiment laisse pantois. Oui, absolument. C'est une femme qui n'avait pas la langue dans sa poche. On le voit à travers l'extrait. Elle a osé dire que l'immolation, du moins, dont on parlera, j'imagine, dans un instant, était en fait un barbecue que les moines avaient fait dans ce contexte. Donc, une phrase qui a énormément choqué la communauté bouddhiste au Vietnam et puis un peu partout dans le monde. C'était surtout une preuve d'une insensibilité incroyable par rapport au combat en fait des moines bouddhistes et du bouddhisme en général. Et il sera important. Donc, il y aura une première immolation de ce fameux moine en 63, mais il y aura un mouvement là. Il y a des moines bouddhistes qui au Vietnam vont s'immoler pour protester contre la situation. Tout à fait. Celle qui est la plus marquante, c'est celle de Thich Quang Duc. C'est en juin 63 et là, il a bien compris aussi le pouvoir de l'image. On a convoqué des journalistes pour cet événement. Les journalistes ne savaient pas ce qui allait se passer, mais ils savaient qu'il allait avoir un coup d'éclat en juin 63. Et vous avez sans doute déjà vu les images, deux moines bouddhistes aspergent un autre moine par terre, assis en tailleur. on y met le feu et ce moine s'immole et meurt sans bouger. Et les images font le tour du monde puisque les caméramans, les journalistes étaient là, on a pris des photos, on a filmé. Les images sont très, très dures quand on regarde ce bout de film. Et surtout, cette image de Malcolm Brown, qui a gagné le prix Pulitzer pour sa photo, eh bien, est envoyée partout à travers le monde. Donc, la cause bouddhiste devient un événement que le monde entier, et surtout en Occident, eh bien, prend conscience le monde entier. Et cette image va frapper, évidemment, Alice Hertz et Norman Morrison qui vont décider d'imiter en quelque sorte ce moine aux États-Unis. Première immolation donc en territoire américain, celle d'Alice Hertz en mars 1965. Un mot sur Alice Hertz. Qui est-elle et pourquoi décide-t-elle de s'immoler? Oui, effectivement, qui est-elle? C'est un personnage déjà étonnant. C'est une dame qui a 82 ans, 1965, qui est d'origine juive. Elle a quitté l'Allemagne dans l'entre-deux-guerres. Elle a habité à Paris, puis ensuite elle est partie vivre aux États-Unis. Donc, elle a déjà un parcours de vie hors de l'ordinaire. Et puis ensuite, elle a, à partir des années 50, commencé à militer avec sa fille pour la paix aux États-Unis. Et le geste qu'elle pose, il est clairement inspiré par l'immolation du moine bouddhiste en 63. Elle l'indique dans une lettre d'adieu qu'elle a transmise à ses amis. Et ce qu'elle va faire le 16 mars, eh bien, elle se rend à une intersection à Détroit, s'asperge d'essence et elle aussi se fait brûler. Elle va mourir une dizaine de jours plus tard, donc il y a en plus toutes les dimensions d'agonie. Mais le plus ironique, c'est que dans cette guerre de l'image, eh bien, il n'y a aucune image de la mort d'Alice Hertz. Et en fait, sa mort est passée presque inaperçue. Ce qui n'empêchera pas, quelques mois plus tard, le 2 novembre 1965, Norman Morrison de l'imiter, deuxième immolation aux États-Unis pour protester contre la guerre au Vietnam. Son ami à nouveau, qu'on entendait au début de l'émission, Samuel Legg, explique les motivations de Norman Morrison à l'émission Présent, le 15 novembre 1965. Pourquoi Norman Morrison s'est-il suicidé? Il avait écrit des lettres aux journaux, il avait écrit des lettres au président des États-Unis, au département de défense, tous les gens responsables. Il avait parlé à des réunions, il avait participé à des démonstrations contre la guerre. Et je crois qu'il pensait que pas assez de gens ne l'écoutaient. Mais il y a davantage. Il est vrai que légalement, il s'est suicidé. Ce que je veux dire, c'est que Norman certainement ne voulait pas mourir. Mais il ne pouvait plus vivre, sachant que nous n'étions pas assez susceptibles à la souffrance de l'autre côté des mers. C'était un homme très sensible qui sentait en lui-même et souffrait en lui-même comme souffraient les gens du Vietnam. C'est très fort ce qu'on vient d'entendre. Carl Bouchard s'en dit beaucoup sur les motivations de Norman Morrison. Le courage, bien sûr, mais plus que ça, une forme de... en même temps d'idéalisme et de désespoir. Oui. En fait, comme Alice Hertz, Morrison a l'impression d'avoir tout fait. Oui. Qu'il n'y a pas d'écoute pour ses gestes. Et c'est dans ce genre de grande prise de conscience désespérée qu'il décide de poser ce dernier geste en disant « ma mort va peut-être changer les choses ». Donc, il y a quelque chose d'extrêmement puissant. Sa mort, elle est aussi... étonnant, c'est un peu l'exception qui confirme la règle par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que là non plus, il n'y a aucune image. Oui. Norman Morrison se rend au Pentagone. Et ce qui est assez terrible, c'est un homme de 31 ans, il a trois enfants, dont une petite fille d'1 an. Il prend sa fille avec lui et on ne sait toujours pas s'il avait l'intention d'immoler aussi sa fille. On sait qu'elle a été soit arrachée par un passant ou soit qu'il l'ait déposée par terre. Ce qu'on sait, c'est qu'elle avait quand même de l'essence sur elle. Et donc, il a posé ce geste devant le Pentagone, sous le bureau de Robert McNamara, qui était ministre de la Défense. Et Robert McNamara a vu ce qui s'est passé. Et dans ce cas-ci, encore une fois, pas de journaliste pour le voir. Et lui aussi est mort de ses blessures quelques temps plus tard. Ouais. Et McNamara va dire, d'ailleurs, plus tard dans ses mémoires, ça nous montre un peu l'impact qu'ont eu ou pas ces immolations. Ouais. En tout cas, celle-là qu'il a vue l'aura marqué. Oui, exactement. Il dit, en fait, dans ses mémoires, il dit « J'ai fait comme une cocotte minute, j'ai mis le couvercle sur mes émotions, j'ai continué à faire ce que j'avais à faire, ce qui était pour lui la défense des intérêts américains. » Mais il dit « J'ai senti qu'il se passait quelque chose. » Il dit surtout « J'ai pris conscience quelques mois plus tard que ma famille, mes enfants eux-mêmes, partageaient certaines des idées de Morrison. Et pour moi, c'était un signe qu'il se passait quelque chose aux États-Unis. Ça aura, ça c'est intéressant aussi, et peut-être moins connu, ça aura ses immolations, celle de Morrison en particulier, qui est la plus remarquée. Ça aura un impact même dans la communauté vietnamienne. On écoute Anne Nguyen, qui est une Vietnamienne vivant à Paris, parler de cet impact-là dans le documentaire « Loin du Vietnam », qui est en fait un documentaire réalisé par un collectif de réalisateurs français en 1967. Pour le peuple vietnamien, c'est quelque chose de formidable de penser qu'un Américain manifeste de cette façon en se sacrifiant et en sacrifiant le bonheur de sa famille même pour une cause juste. Je trouve qu'il faut vraiment être infiniment sincère avec soi-même et courageux, bien sûr, pour arriver à ce geste-là. Et pour nous, non seulement le personnage de Morrison, enfin, le geste qu'il a fait, très émouvant, a suscité non seulement de l'estime et un profond respect, une profonde admiration, mais je crois qu'il a encore augmenté l'amitié du peuple vietnamien pour le peuple américain. L'Amérique agresse un peuple qui ne lui fait aucun mal, car nous nous défendons contre les bombardements, les massacres, toutes les atrocités. Mais nous pensons même qu'en Amérique, il y a une autre guerre, une guerre du peuple contre tout ce qui est injuste. Alors, quel écho auront ces immolations d'Américains pour protester contre cette guerre du Vietnam au Vietnam et dans la communauté vietnamienne? Celle de Morrison est assez épatante parce qu'effectivement, il n'y a pas d'image, mais par contre, on utilise au Vietnam ce symbole comme objet de propagande, en fait, anti-américaine. Et en essayant d'alimenter, en fait, la division aux États-Unis, on va nommer des rues au nom de Morrison au Vietnam, on va faire des timbres sur lui, des chansons, des poèmes. Ça deviendra un héros, en fait, de la cause vietnamienne aux États-Unis qui a donné sa vie pour les Vietnamiens. Donc, ça se comprend dans un contexte de guerre, mais c'est aussi un symbole très, très fort. Il y aura deux autres immolations. Deux autres Américains vont suivre dans les semaines qui vont justement suivre l'immolation de Morrison. Il y aura donc Alice Ertz, Norman Morrison et deux autres Américains qui s'immoleront en protestation contre la guerre du Vietnam. On boucle la boucle. On abordait un petit peu la question de l'impact au début de l'émission, mais avec le recul... Qu'est-ce qu'on peut dire de l'impact qu'auront eu ou pas ces morts? Ouais. Ben, c'est sûr que par rapport aux morts militaires, il y a quand même près de 60 000 morts soldats américains qui sont morts au Vietnam. Quand on est un décideur, un homme politique à l'époque qui prend une décision, c'est sûr que dans la balance, on va davantage considérer les morts militaires que ces pacifistes qu'on souvent soupçonne d'être à la solde du communisme et qu'on inscrit dans un contexte idéologique et politique. Les morts militaires ont beaucoup plus d'impact. Cela dit, il est clair que des gestes posés comme ceux-là peuvent galvaniser aussi une protestation aux États-Unis. Et puis, on contribue à dire, écoutez, on est capable d'aller de plus en plus loin dans cette protestation parce qu'elles sont le signe d'une fêlure dans la société américaine et c'est ça qui aura un impact à plus long terme. Carl Bouchard, comme toujours, c'était fascinant. Merci beaucoup. Avec plaisir. Carl Bouchard, professeur d'histoire à l'Université de Montréal. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.